cours numéro 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Qala Sheikh Abdul Salam rahimahullah al-a'iq al-thamin dunu al-himma. هذا في الحقيقة سلية avec le chapitre précédent. Le chapitre précédent, أن بعضهم ربما ils se précipitent, ils ne patientent pas et ils brûlent les étapes. هذا الباب, tu as une autre catégorie, أن c'est l'axe. أنهم ils ont des objectifs qui sont pas élevés et ils sont pas motivés et ils se contentent du peu. هؤلاء كذلك, ils auront beaucoup de mal à avancer في العلم. Les malades, ils pensent que l'ilm, ce n'est pas accessible pour eux. Ou que certaines choses, ce n'est pas accessible pour eux. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas réussir. Et ils se rabaissent. Voilà, ça ralentira cet étudiant. L'insan, il est tawakkul ala Allah. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, karimun. Et celui qui fait des efforts, bi'idnillahi azza wa jal, khassatan, bien sûr, s'il est sincère, hala, il avancera fil ilm. Fala taj'al, ou fala takoun min ha'oula, ceux qui se rabaissent. Et au départ, ils pensent qu'il n'y arrivera pas. Hala, la shaykhanahu, il aura du mal à avancer. Lakin, celui qui a une himma aliyah, أنه بإذن الله عز وجل il veut avancer sans brûler les étapes comme on a vu dans le dars précédent et il sait que c'est pas impossible abadan. Allah subhanahu wa ta'ala il a facilité هذا العلم et il fait des efforts فإنشاءالله تعالى il avancera. قال الشيخ عبد السلام نرى بين صفوف العلم أناسا يمتلكون مواهب جليلة وقدرات هائلة تؤهلهم للزعامة العلمية إلا أن دنو همتهم يمحق مواهبهم ويزيل بهاء نبوغهم فتجدهم يقنعون بيسير المعلومات. هذا سأعرف أن البعض ils ont des capacités, ils ont plus de facilité que les autres في الحفظ et dans la compréhension. ففي الحقيقة هؤلاء si ils feraient des efforts ils pourraient avancer. Contrairement à certains, ils ont du mal à comprendre, ils ont du mal à mémoriser. Avec le haqiqa, Cheikh Abdul Salam, il nous montre qu'il y a deux catégories. Enfin, cette catégorie, annahum walillahi alhamd, ils comprennent, ils ont des facilités. Enfin, pourquoi ils ne font pas des efforts? Tu les trouves, ma'ahada, ils ont des capacités, là, qui ne font pas d'efforts. Ils se contentent du peu. Voilà, on l'a déjà entendu. Et Rabbama, vous l'avez entendu. Anna, j'apprends que telle chose, et alhamdulillah, ça me suffit. J'étudie que un ou deux mois, alhamdulillah, j'apprends les bases et ça suffit. Limad tuhrim nafsak. Pourquoi tu dis pas bi'idnillahi azza wa jalla je vais faire des efforts hatta yaftah Allahu alayya. Comme les gens c'est devenu des imams, ils étaient comme nous. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah, c'était un être humain comme nous, un enfant comme nous, un jeune comme nous. Il avait des habitudes, il avait des faiblesses, il avait un être humain rahimahullah. Il a fait des efforts, hatta fatah Allahu alayhi. La shak annahu, il avait des facilités dans la compréhension, dans le hifz. C'était une aya min ayatillahi fil hifz. Et il a fait des efforts, alhamdulillah. Il y a eu des fruits énormes pour l'umma. Si on prend les savants de notre époque, nafs shay, a'imma, des êtres humains comme nous. Il a eu une enfance comme toi, une jeunesse comme toi. Ok, avec les efforts, Allah fatah alayhi. Enfin, pourquoi nahnu, des fois, on se met des barrières, tout seul. Avance, fais des efforts et tawakkal ala Allah. Et si tu as des facilités, fajtahid. Qala fatajiduhum yaqna'un bi yasir al-ma'lumat. Et on doit faire attention à ça. Wa'dhum, ils ont des facilités et on en a déjà vu. Et au lieu de se consacrer à هذا العلم et faire des efforts, c'est tariq al-jannah. Qu'est-ce qu'elle va te donner هذه الدنيا? Que des fitan, que des mashakil. هذا العلم c'est طريق النجاة, c'est طريق الجنة. فمع هذا بعضهم ils ont des facilités et ils apprennent très vite et ils comprennent, لكن ils s'arrêtent. يقولون مثلا أنا je vais apprendre un peu la langue arabe, un livre de عقيدة, comment faire salat, et alhamdulillah, كأنه il n'est pas concerné par العلم. Après هذا لا, هذا في الحقيقة يحرم نفسه. ربما s'il fait des efforts, peut-être qu'il va atteindre un niveau ينفع نفسه وينفع الأمة. On fait attention à هذا. كذلك هذا من أساليب إبليس pour éloigner les gens de l'ilm. قال ويأنفون من القراءة والمطالعة ويتشغلون عن الطلب والتحصيل. Et en général, c'est à cause de الدنيا. وبعضهم كأن le fait de délaisser الدنيا, ils vont manquer quelque chose. لا. الدنيا ça passe. الدنيا سنفتنة الإنسان في قبره ويوم القيامة ce qui lui sera utile c'est هذا العلم et bien sûr la mise en application mais الدنيا en général c'est un mal et c'est une فتنة pour celui qui se préoccupe par الدنيا قالوا هؤلاء سرعان ما تنزع ملكية قدراتهم أو ملكية قدراتهم وتسلب بركة أوقاتهم ذلك بأن كفر النعمة مؤذن أو نعم مؤذن برحيلها كما أن شكرها مؤذن بمزيدها نعم كفران النعمة أن هؤلاء qui ont des facilités si ils ne font pas des efforts في العلم فربما الله سبحانه وتعالى لا يوفقهم Et ces capacités qu'ils avaient au départ, min fahm wa hifz, la compréhension, la mémorisation, et la akhir, rubbama, avec le temps, hatta hada yuslab anhum. Ils n'arrivent plus à mémoriser, ils n'arrivent plus à comprendre. Limadha li anna, tout ça c'est des ni'am. Min ni'am illahi azza wa jal, labud shukraha. Amma, celui qui n'est pas reconnaissant envers les ni'am, fa rubbama tuslab anhum. قال الفراء رحمه الله تعالى لا أرحم أحدا كرحمتي لرجلين رجل يطلب العلم ولا فهم له ورجل يفهم ولا يطلبه صحيح وبعضهم يطلب العلم ولا فهم له ففي الحقيقة هؤلاء s'ils sont sincères et font des efforts même s'ils comprennent pas grand chose الحمد لله c'est des طلبة علم à leur niveau et ils ont une récompense عظيمة عند الله Et certains, ils ont les capacités que d'autres ils n'ont pas. Lakin, ils ne font pas d'efforts fil ilm. At-tawfiq, c'est min Allah subhanahu wa ta'ala. Falihada talibul ilm, il ne se repose pas sur ses acquis, sur ses forces. Ay annahu, il est fort fi al-hifz, il est fort dans la compréhension, il est fort dans telle chose. Là, place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Fakam min al-nas. Ils avaient des facilités, des capacités dans certaines choses. Et comme les gens, ils n'ont pas des facilités, ils n'ont pas des grandes capacités maintenant dans la mémorisation, dans la compréhension. Et avec le temps et la patience, alhamdulillah, ils ont atteint un très bon niveau. وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعليقا على قول أبي الطيب المنتبي ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام وينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه فلو كان يتصور للآدم صعود السماوات لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض ça c'est un عيب أن celui qui a des capacités des facilités à faire une chose il ne la fait pas هذا c'est un عيب كبير contrairement à celui qui n'a pas les moyens مثلا واحد il a pas les moyens d'apprendre par cœur il a une mémorisation très très faible et il fait les efforts هذا s'il apprend pas certaines choses par cœur فلا عيب c'est pas un عيب لماذا لأنه il a du mal et il a fait les efforts العيب c'est très très simple pour eux لكن ils font aucun effort فلهذا قال ابن الجوزي si on pourrait se déplacer في السماوات on pourrait s'élever في السماوات dans les cieux Et on ne le ferait pas, ça serait un axe. Lakin, on ne peut pas. Il te montre, Anna, si tu peux faire une chose et tu ne la fais pas, c'est un axe. Qala, وَلَوْ كَانَتَ النُّبُوَّةَ تُحْصَلْ بِالْإِجْتِهَادِ رَأَيْتَ الْمُقَصِّرُ فِي تَحْصِيلِهَا حَظِيظٌ كذلك, si on قدر أن النبوة, la prophétie, ça serait une chose qu'on peut acquérir avec des efforts. Celui qui n'aurait pas fait d'efforts, ça serait un axe, في حقه. Lakin, النبوة, ce n'est pas avec l'ijtihad. النبوه c'est Allah subhanahu wa ta'ala il rend la vie qui il veut et le dernier c'était notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lakin daiman pour te montrer si tu peux faire une chose, tu as des facilités et tu ne la fais pas, c'est un naqs. قال والسيرة الجميلة عند الحكماء خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل. قال وفي الجملة لا يترك فضيلة يمكن تحصيلها إلا حصلها فإن القنوع حالة الأراذل. القنوع ça vient de القناعة. Et celui qui se suffit du peu alors qu'il a les capacités pour faire plus, هذا في الحقيقة c'est pas une bonne chose pour lui. Et هذا, normalement, ça devrait être notre situation في الدنيا. لكن كثير من الناس ils ont inversé. Normalement, في الدنيا, on doit avoir cette قناعه. Et le peu, ça doit nous suffire. Et on ne doit pas faire des efforts ليل نهار. Toute notre vie, on la passe في الدنيا. لأن الدنيا, c'est une fitna. Et الدنيا, c'est pas une chose qui reste. Enfin, c'est pas من المعقول de faire des efforts pour une chose qui reste pas. Donc, في الدنيا, on doit avoir cette position. Ne pas faire beaucoup d'efforts, même si on a la capacité. Les madaniyana, ça ne reste pas. Al-ilm, al-din, celui qui fait des efforts, bi idnillahi azza wa jalla, la récompense, elle restera. Enfin, c'est dans cette chose qu'on doit faire des efforts. Comme minanas, ils font des efforts, في الدنيا, ka'annahum, ils ne vont pas mourir. Ba'adhum, ils ont des projets sur Obama des dizaines d'années, ou akthar. Même s'il reste en vie, il n'y arrivera pas. لكن الشيطان اللي زكا نحن لا الدنيا on fait ce qu'on a besoin et c'est pas l'essentiel. الدنيا c'est pas l'objectif. لا الدنيا c'est une étape on s'en sert pour le véritable objectif الآخر. فطالب العلم s'il veut avancer il doit bien comprendre أن الدنيا c'est pas un objectif, c'est pas quelque chose qui reste. العلم c'est من أنفع العبادة. Et ça sera très très utile pour le musulman. On doit faire des efforts في العلم. Et ne pas نقنع. أي on est satisfait du peu. Là, في الدنيا oui. في العلم là. العلم fait des efforts. Tu as appris tel livre. Voilà. يغرك الشيطان. Tu dis Alhamdulillah, là, de toute façon j'ai appris ce livre. يكفي là. Tant que tu as les capacités, apprends. Viendra un jour, tu ne pourras plus apprendre par cœur. Imma tu seras occupé, imma avec l'âge. Les doros, neuf séchés. Tant qu'il y a des doros et tu profites, fais des efforts. Viendra un jour, Robama, il n'y aura plus de doros. Robama, tu ne pourras plus en faire. Wahakada. Al-ilm, il faut se donner complètement à ce ilm. Pour celui qui veut avancer. Pas celui, yaqna, avec le minimum. Et il donne le minimum de son temps. Qu'est-ce qu'il va gagner de ce ilm? Robama. Une très très petite chose, فقط. Si il profite. قال ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد ففعل فإنهم كانوا رجالا وأنت رجل وما قعد من قعد إلا لدناءة الهمة وخساستها واعلم أنك في ميدان سباق والأوقات تنتهب فلا تخلد إلى كسل فما فات من فات فما فات ما فات إلا بكسل ولا نال من نال إلا بالجد والعزم. Une nasiha tayyiba sur le temps. Fais attention, le temps ça passe très très vite. Ceux qui ont réussi fil ilm et même autre que l'ilm, c'est qu'ils ont fait beaucoup d'efforts et ils n'ont pas perdu leur temps. Et ceux qui n'ont pas réussi fil ilm, c'est à cause de le kassel. Le temps il passe et si on ne fait pas d'efforts, jour après jour, semaine après semaine, ça sera des regrets. L'insan ma yadri mata sayamut, l'insan ma yadri, est-ce qu'il pourra toujours étudier? Al-an, c'est une fursa, on doit faire des efforts. Hada khulasat kalamihi rahimahullah. Qala Cheikh Abd al-Salam, faya man anasa min nafsihi alamatan nubur wa dhaka, la tabghi anil ilm badalan, wa la tashtaghil bisiwahi abadan. Si tu ressens min nafsik, annaka t'as des facilités. Et chacun se connaît. Et walillahi alhamd, tu ressens que tu aimes ce ilm, ça fait des efforts. Tu ne seras jamais perdant. Et la taltafit, il a wasawis iblis. Tu vas manquer telle chose, fit dunya, ou ça va être un obstacle pour te marier, ou ça va te retarder dans telle chose. Là. Hada l'ilm, c'est que du profit pour toi. Concentre tes efforts, vihada. Khassatan. celui qui ressent min nafsihi annahu, il a des facilités, annahu, il avance. Et même celui qui ressent par hada, même s'il a des difficultés, fasbir, accroche-toi et t'es à la khayr. L'essentiel, on répète, c'est la sincérité et mettre en application. Celui qui a du mal à apprendre, fa Allah subhanahu wa ta'ala la yukallifu nafsan illa wus'aha. T'as du mal à apprendre, t'as du mal. Lakin, on sera jugé sur notre mise en application. Qala, fa in abayta fa ajbar Allah azaak fi nafsik wa a'zama ajra al-muslimin fik ma ashad khasaratik wa a'zam musibatik. Et na'am, c'est une musibah. Celui qui a des facilités et malgré cela il ne fait pas d'efforts fil ilm, alors que c'est akbar an-ni'am, et il délaisse tout ça, hada al-khayr, hada al-ilm, pour s'occuper de dunya. Wa'adhum, ils délaissent des durous, ils délaissent matalan jalasat ulama dans leur ville, dans leur pays, pour aller faire des choses, iyadun billah, des choses inutiles. Fahadi, c'est une khasara. لكن الموفق من وفقه الله عز وجل. قال الشيخ عبد السلام: دع عنك ذكر الهوى والمولعين به وانهض إلى منزل عال به الدرر تسلو بمربئة et dans une نسخة بمربابة. قال: تسلو بمربئة عن كل غالية وعن نعيم الدنيا صفواه كدر وعن نديم به يلهو مجالسه وعن رياض كساه النور والزهر وانهض إلى العلم في جد بلا كسل نهوض عبد إلى الخيرات يبتدر واصبر على نيله صبر المجد له فليس يدركه من ليس يصطبر. نعم أبيا جميلة فليس يدركه من ليس يصطبر. Cette poésie, c'est une partie d'une poésie de الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. فليس يدركه من ليس يصطبر. أي celui qui patiente pas, il n'arrivera pas à avancer في العلم. قال وإن من أنفع الأمور التي تعين على علو الهمة. Parmi les choses qui aident à avoir une همة عالية. الهمة, c'est des objectifs في العلم. النظر في سير السلف رضي الله عنهم فإن أحوالهم غاية الكمال علما وعملا فإذا ما رآها الطالب ازدرى نفسه وقل عمله في عينه فعسى للحوق بالقوم والتشبه بهم ومن تشبه بقوم فهو منهم. Et on a déjà répété هذا كثيرا ولعل on essaiera de إن شاء الله rassembler certaines paroles de Ha'ula al-A'imma sur Ulu al-Himma fil ilm. Liana, comme a dit, ça motive al-Talib à faire des efforts et kadalik ça remet al-Talib à sa place. Liana, quand tu as connaissance des efforts qu'ils ont fait fil ilm et le niveau qu'ils ont atteint fil ilm, que ce soit fil hifd ou fil ta'lif ou autre, tu t'aperçois que fil haqiqa on est ba'id jiddan. فلير لا بيوغرافي دي السلف ستستفيد منها من حيث علو الهمة صار تيدي ا ميتر دي زوبجيكتيف بلو او لان tu vas te rendre compte ان هؤلاء ils ont atteint un niveau ما شاء الله et كذلك ça va t'aider في باب التواضع ان tu vas connaître ton niveau, ta place et tu vas te comparer à هؤلاء et tu vas vite t'apercevoir que في الحقيقة on est ba'id. Lakin, alhamdulillah, celui qui est sincère, qui fait des efforts, al-khayr hasil, lakin, ça nous aide à rester à notre place. Hada satayyib. Fa inshaAllah, quand on reprendra les durus, on essaiera de lire certaines paroles de ha'oula fi hada al-bab. Qala ibn al-Jawzi rahimahullah, fa Allahu Allah alaykum bi mulahadati sayr al-salaf wa mutala'ati tasanifihim وأخبارهم والاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم. صحيح. C'est comme si tu les voyais, comme si tu vivais avec eux. C'est pour ça que أعداء الإسلام, ils font tout pour mettre un rempart entre nous et السلف. Ils ont sali, ou ils essayent de salir l'image de الأئمة, de nos prédécesseurs, ceux qui étaient avant nous. Ils essayent de les faire passer pour pour des gens qui n'étaient pas civilisés ila akhiri. Hatta al-muslimun, ils ne reviennent pas à haoula. Et c'est ça, dinullah il-haq, c'est ça, salaviyya, c'est de revenir à haoula. Celui qui revient à haoula, ça va l'aider dans beaucoup de choses. Tu vas comprendre l'islam, al-haq. Tu vas comprendre c'est quoi l'ilm. Tu vas comprendre c'est quoi l'amal bil-ilm. Tu vas comprendre c'est quoi des efforts. Amma se comparer, grâce à notre époque, nous, à nos contemporains, là, tu avanceras pas. Tu avanceras pas. Revenir au salaf et étudier leur mode de vie, que ce soit fait talab ilm, que ce soit fait l'ibada, que ce soit autre, بإذن الله عز وجل الطالب يستفيد جدا. قال وليكثر من المطالعة فإنه يرى من علوم القوم وعلو هممهم ما يشهد خاطره ويحرك عزيمته للجد. المطالعة أي revenir, خاصة les livres de biographie كسير أعلام النبلاء للإمام الذهبي, c'est une référence في هذا. Il cite la biographie des salafs. Depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à son époque. Al-Imam al-Dhahabi, rahimahullah. Chacun, celui qui il revient de temps en temps à ce livre et il lit la biographie de certains compagnons, la biographie des grands imams, ça c'est yastafid, ilman. Mais ça, nous, en fait, on a un manque. On a un manque. Et ça se voit. Ça se voit. Si on revient pas à Haoula, on aura un manque dans beaucoup de choses. Tu veux apprendre le comportement, reviens à Haoula, lis leur biographie. Tu veux voir le comportement qu'ils avaient. Tu veux comprendre l'ilm, savoir c'est quoi l'ilm, reviens à Haoula. Wa hakada jami' al-abwab. Et on essaiera, inshallah, de faire certaines kalimat sur ça. Aya, matalan, ulu, al-himma, inda salaf, et d'autres. Bi'idnillahi azza wa jalla. قال شيخ عبد السلام رحمه الله العائق التاسع والعاشر التسويف والتمني. هذا من أعظم العوائق. التسويف ça vient de سوف أو سأفعل, أي toujours repousser. التسويف والتمني ça se ressemble, ces deux kalimat il va les expliquer. هذا العائق, cet obstacle, on donne un aperçu global. وعد الطلبة يغبوس toujours les choses. يا أخي fais des efforts, apprends هذا إن شاء الله plus tard. يا أخي il y a des دروس qui ont commencé dans telle chose, je les ferai plus tard. Et بعضهم يغبوس. والموت ça attend pas. لهذا الإنسان il fait des efforts. ما تدري demain qu'est-ce que tu vas faire, est-ce que tu vas être en vie أم لا. Est-ce que tu seras encore motivé, Amla? Est-ce que tu auras la capacité, Amla? Enfin, le fait de repousser, que ce soit fait l'ibada ou fait l'ilm, c'est un des plus grands obstacles. قال التسويف التأخير والمدافع يقال سوف الأمر إذا قال سوف أفعل. أي je ferai plus tard. ويطلق التسويف على الأماني. نعم, c'est deux mots qui se ressemblent. يقال فلان يقتات السوف أي يعيش بالأماني. قال الكميت كأنه الكميت وكان السوف للفتيان قوتا تعيش به وهنئت الرقوب والتمني حديث النفس بما يكون مستقبلا وما لا يكون أي مستحيلا وقيل إرادة تتعلق بالمستقبل أي toujours repoussé. فهذا c'est ça الخلاصة des deux mots. والتسويف والتمني داءان خطيران يفسدان القلب والوقت ويعرجان بالمر إلى عالم الخيال. أولا ces deux maladies graves, التسويف والتمني, que ça soit pour l'ibada, que ça soit pour l'ilm, بل حتى في الدنيا, même في الدنيا, celui qui دائما repousse les choses, il n'arrivera pas à faire grand chose. طالب العلم s'écarte de هذا. Et on ne doit pas mélanger هنا أن on se précipite là. On a déjà vu des chapitres précédents, فمثلا في التدرج. Ça ne veut pas dire qu'on mélange tout, là. Lakin, si une chose, elle doit être faite à ce moment, et tu as la qudra, ne repousse pas. L'imad a repoussé. قال يفسدان القلب والوقت. Ça fait du mal au cœur. Et là, le cœur, il s'habitue. Et الشيطان يتمكن من هذا القلب. Et l'insan, au lieu de faire du khayr, il repousse. C'est une maladie du cœur. كذلك الوقت. لأن الوقت, il est غالي. Le waqt, c'est une des choses les plus chères, normalement, pour nous. Repousser, ça fait du mal à هذا الوقت. L'insan, de jour en jour, il s'approche de sa fin. De jour en jour, on approche de notre fin. Allahu a'lam, ça sera quand la chaque de jour en jour, on approche. Mais celui qui repousse, fait le haqiqa, il s'est fait du mal. Qala, wa ya'ridan bil mar ila alam al khayal. Na'am. Hatta ça devient des choses, min al khayal. Et des choses qui sont pas réelles. Anahu, je ferai, et fait le haqiqa, il fait rien. أما التسويف فصفة بليد الحس عديم المبالاة كلما همت نفسه بخير عاقها بسوف وسأعمل حتى يفجأه الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. Et ça nous montre que c'est من الشيطان هذا التسويف حتى الإنسان يموت et regrette. فلهذا يوم القيامة كثير من الناس يديرون هذا ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. كثير من الناس demanderont à revenir في الدنيا pour faire ce qu'ils avaient délaissé. Et بعضهم في الآخرة demanderont à revenir pour faire. Je vais faire. Et في الحقيقة même s'ils reviennent, ils feront pas. Enfin, ça nous montre أن الموفق c'est celui qui applique quand il peut. أما repousser c'est pas une solution. C'est الشيطان في الحقيقة qui veut nous écarter du خير. Shaitan, il ne va pas te faire croire en c'est pas bien cette chose. Là, si t'aimes l'ilm. Lakin, pour t'en écarter, il va te dire demain. Aujourd'hui, t'es pas prêt. Aujourd'hui, fais telle chose. Repousse demain. Demain, tu l'oublies. Et tu ne la fais pas. Et c'est ce qu'il veut Shaitan. Si c'est un khayr, si c'est le moment venu, on répète, en écoutant mitle hadha al-kalam, ba'dhum, ils peuvent être motivés et se précipiter. Là. On revient à Ahlul Ilm, et maintenant, si ton niveau c'est d'apprendre, maintenant, Al-Arba'in al-Nawawiyya. C'est ton niveau, t'es un débutant, tu connais pas d'Ahadith, il faut commencer par ce livre. Ne repousse pas. Alhamdulillah, tu as du temps. Alhamdulillah, c'est des Ahadith très courts, très simples. Commence aujourd'hui, en rentrant le premier Hadith. Demain, tu révises. Wahakada, si tu apprends un Hadith par jour, maintenant, dans 40 jours, c'est fini. Alhamdulillah, dans 40 jours, 50 jours, avec les rajouts de Al-Hafid ibn Rajab, rahimahullah, dans 50 jours, l'été, il est venu. Al-An, il reste une cinquantaine de jours pour l'été, s'il reste deux mois. Alhamdulillah, l'été, il a fini, t'as fini. Anta, une risala azim, par cœur. Amma, si on repousse, l'été, il va finir, et wala shay, wa hakada l'hiver, wa hakada sanawat. Qala, fa'ala talib al-ilm, an yatanazza an hadhihi al-manqasa. ويبادر بالأعمال عملا بقوله تعالى فاستبقوا الخيرات قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات هكذا قال عز وجل فاستبقوا أي précipitez-vous à faire الخير tant que c'est du خير et bien sûr tant que ce خير il est à sa place c'est le moment venu ne repousse pas قال عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الشاهد وسارعوا وكن سلم السرعة أي la précipitation فهنا أي empressez-vous dépêchez-vous de faire الخير لماذا لأن الإنسان ربما يموت ربما il est occupé par certaines choses il ne peut plus enfin, quand tu as du temps Et le moment, il est tayyib pour faire telle chose, fais-la. Et ne repousse pas. قال فهو أعرف الناس بقيمة الوقت بالانتفاع به كله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك هكذا النبي صلى الله عليه وسلم il les a éduqués كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ne t'accroche pas à الدنيا et vis هذه الدنيا comme si t'étais un voyageur à tout moment ça peut s'arrêter enfin, ne repousse pas لأن يوم القيامة ça sera des regrets بعض الناس عيادا بالله التسويف هذا أي le fait de repousser ils ont été tellement loin que حتى عمود الإسلام le deuxième pilier de l'islam الصلاة et quand tu les conseilles ils disent je la ferai demain, ou je la ferai inshallah dans un mois, ou je la ferai pendant Ramadan, je commence, et ربما il meurt avant. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تركها فقد كفر. C'est le shaitan qui voulait هذا. Et بعض الناس عيادا بالله اطاعوا الشيطان. D'autres, on peut donner un مثال في الدنيا, انه يهلك نفسه. Il se fait du mal à lui-même, avec la cigarette par exemple, ou l'alcool. Il se fait du mal. Le médecin, il lui dit, ses proches, ils lui disent, il gaspille son argent, il fait du mal à sa famille avec l'odeur, il fait du mal à son corps. Obama, le docteur, il lui dit, tu as un cancer. Il continue. Je vais arrêter demain, hatta yahlak. Obama, il meurt. À cause de hadha shay. Une chose qui ne sert à rien, et tu dois payer, ma'a hadha. Plus tard, hatta yahlak. C'est très très grave, un taswif. Et on a compris que c'est une arme de shaitan pour égarer l'insan. Imma pour l'égarer complètement, imma pour l'écarter du khayr. Wa kan ibn Umar yaqul idha amsayta fala tantadir as-sabah. Hakadha as-sahaba radiyallahu anhum, ils ont été éduqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si t'es le matin, n'attends pas le soir. Si t'es le soir, n'attends pas le matin. Ma tadri. Hakadha, ils ont avancé dans leur dîn. Comme on a dit, ils ont des projets. Ils ont de l'argent. Ils ont du temps. On prend l'exemple de l'Hajj. Le Hajj, c'est bientôt. Ils ont de l'argent. Le Hajj, cette année, ça tombe l'été. C'est les vacances pour certains. Il y en a avant, certains, ils avaient une excuse de travail. Si on prend cette année, ça tombe le moment de leurs vacances. Ils ont de l'argent, mais je le ferai plus tard. Ba'dhum, ils disent, je le ferai quand je serai vieux. Et comme minhum, ils meurent avant, ou ils arrivent à un certain âge, ils ne peuvent plus prendre l'avion, ils ne peuvent plus se déplacer. Pourquoi? À cause de hada. Amma, ils auraient appliqué qawl Allah Azza wa Jal, fastabiqul khayrat. Ya akhi, tu ne sais pas est-ce que tu vas encore avoir de l'argent. Ya akhi, tu ne sais pas est-ce que tu auras encore la santé. Et al-hajj, alhamdulillah, c'est quelque chose, normalement, le mu'min, il pourrait y lire tous les ans. Lakin, hakada, quand le cœur il devient malade, hatta hada al-khayr, il est repoussé. وقال ابن الجوزي رحمه الله ومن أجال ومن أجال على خاطرته ذكر الجنة التي لا موت فيها ولا مرض ولا غم بل لذاتها متصلة من غير انقطاع وزيادتها على قدر زيادة الجد ها هنا انتهب هذا الزمان فلم ينم إلا ضرورة ولم يغفل عن عمارة لحظة. هكذا إذا الأئمة لا ينم إلا عن ضرورة. بعض الأئمة يزابليكي هذا. Il ne dormait pas que à الضرورة. Vraiment, il dormait parce que c'était. Il n'avait pas le choix, sinon il va tomber. Tu peux tomber malade. Il a. Il dormait le minimum. لحظة. لحظة, c'est un moment. Un moment لا يضيع عنهم. بعض الأئمة, quand il mangeait, et on citera certaines de ces histoires, ça motive Jiddan. Wa'adul A'imma, quand ils mangeaient, ils donnaient le livre à un de leurs enfants, leurs proches, pour qu'ils lisent. Yannahoua, ils mangeaient. Pour que la lecture, elle ne soit pas interrompue. Annahou, ils mangent et ils donnent le livre et un de ses proches, il lit. Wa'hua yasma. Kata, lahza, elle n'est pas gaspillée. Du matin au soir. Al-yada, ils ont avancé fil ilm. Qala, amma tamanni, faminhu mamdouh wa minhu madmou. التمني يا تفصيل. Ça ressemble au taswif, لكن si on les cite à part, il y a un tafsil. قال فمنه ممدوح ومنه مذموم. التمني, c'est espérer, si on peut traduire. Espérer, faire cette chose. Il y a deux cas. Un cas, c'est طيب. قال أما الممدوح فهو أن يتمنى فعل الخير المندوب ولا يستطيعه وله ثلاث شروط. C'est qu'il a la volonté de faire هذا الخير, لكن il ne peut pas. لكن il espère, مثلا, واحد. Il espère faire le hajj, mais il n'a pas d'argent pour l'instant. Fahada tamanna an yahuj, fahada c'est tayyib. Lakin trois conditions. Qal walahu thalathatu shurut. Al-awwal al-azm ala al-fi'l mata ma qadir alay. Bien sûr, quand il peut, il le fait. Ça montre qu'il avait une bonne intention et qu'il était sadiq, il était véridique. الثاني كونه في حدود الشرعيات كتمني بناء مسجد ونحوي. Deuxième condition, bien sûr, c'est avoir la volonté de faire quelque chose de مشروع, pas quelque chose de حرام. مثلا la construction d'un مسجد, مثلا aller au حج. الثالث أن لا يكون ديدا الإنسان. Et ça, c'est un shart, tayyib. Que ça ne soit pas une habitude. Aïe, à chaque fois, natamanna fi'l al-khayr. Et notre dîn, ça devient que hada. Aïe, des volontés sans application, là. Qal wa amma al-madhmoum. Donc, les trois conditions, c'était pour al-mamdouh. Amma al-madhmoum, aïe, al-tamanni qui n'est pas autorisé. فقد عبر عنه ابن القيم رحمه الله في شرح كلام شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي عن مفسدات القلب فقال هذا نعم في كتاب مدارج السالكين فقال المفسد الثاني من مفسدات القلب ركوبه بحر التمني وهو بحر لا ساحل له وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم كما قيل إذا تمنيت بت الليل مغطبتا إن المنى رأس أموال المفاليس صحيح المفاليس أي les incapables c'est ça leur habitude دائما التمني je vais faire أي كلام بلا عمل قال وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان وخيالات المحال والبهتان فلا تزال أمواج الأماني الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيفة صحيح هذه الأماني عياذا بالله بعضهم تتلاعب بهم كما تتلاعب الكلاب بالجيفة الجيفة c'est la bête morte comme les chiens ils jouent avec la bête morte فبعضهم الأماني elle les emmène un coup à droite un coup à gauche et ils n'avancent pas أي je vais faire et في الحقيقة الموت يأتي et ils n'ont pas fait grand chose عياذا بالله فالإنسان ينتبه ça nous montre c'est parmi les armes de Iblis pour égarer l'insan قال وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية وليست لها همة تنال بها الحقائق الخارجية بل اعتاضت عنها بالأماني الدنية قال فيمتثل المتمني صورة مطلوبة في نفسه وقد فاز بوصلها والتذ بالظفر بها فبينما هو على هذا الحال إذا استيقظ فإذا يده والحصير صحيح سكم دي غاب بعضهم je vais faire كأنه il est نائم un rêveur ثم إذا استيقظ il a rien du tout هذا في الدنيا tant qu'on est vivant on peut في الحقيقة se corriger أما من استيقظ أي celui qui se réveille أي بعد الموت لأن في الحقيقة après la mort c'est comme si tu te réveilles tu ouvres les yeux tu verras des choses que tu n'as jamais vues et dunya qu'on a passé toutes tes années ça sera comme un rêve ou un cauchemar عياذا بالله لكن يوم القيامة c'est les regrets tu ne peux pas revenir أما في الدنيا tant qu'on est vivant ce genre de rappel ça fait du bien enfin repousse pas On ne repousse pas, on s'habitue à faire. فلهذا بعض السلف رحمة الله عليهم quand ils entendaient ou ils apprenaient un hadith, ils l'appliquaient, ولو une fois. On ne parle pas de l'wajib. L'wajib, il faut le faire. لكن certaines choses, صحيح, on ne peut pas tout faire. لكن certaines choses, ولو une fois, ولو deux fois, alhamdulillah, au moins tu as fait. أما toujours repoussé, s'habitue à repousser, فربما حتى في الواجبات. بل بعضهم الآن في أركان الإسلام يغبوس يغبوس الصلاة يغبوس الحج عياذا بالله بعضهم يغبوس الصيام بعضهم يغبوس الزكاة tout ça pourquoi لأنهم ils se sont habitués et c'est devenu des proies de Iblis وما أحسن ما قال أبو تمام من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأماني لم يزل مهزولا وقد قيل لبعض الحكماء من أسوى الناس حالا قال من بعدت همته واتسعت أمنيته وقصرت آلاته وقلت مقدرته نعم سكي لبير أو لبير دي بيرسون من بعدت همته أي إن همة تخي باس با دوبجيكتيف واتسعت أمنيته بعضهم يسون هكذا دي زوبجيكتيف تخي فيبل اي الأمنية أي لغاف je vais faire beaucoup de choses à la fin il n'y a pas beaucoup d'amal وقال آخر تجنب الأماني فإنها تذهب ببهجة ما خولتهم وتستصغرون بها نعمة الله عليكم فليجتنب الطالب هذا المرض وليحذر تمكنه منه، فإنه كالسرطان الفتاك قل من يبرأ منه. صحيح، c'est un cancer. الأماني c'est un cancer. Toujours repoussé. Ça t'écartera du عمل. Ça te fera vivre comme un rêveur. في الخيال. Et يوم القيامة ça sera des regrets. Ce qui est très très grave, c'est que beaucoup de gens ils sont touchés par ça. قَلَّ مَنْ يَبْرَأَ مِنْهُ. Et nous, on n'est pas à l'abri. Enfin, on fait des efforts في هذا. Au lieu de repousser, on fait. لكن, on répète, si la chose elle est à sa place, si la chose elle est مشروعة, il a آخر. فَكَمْ مِنْ صَرِيعٍ لَهُ لَا يَفِيقْ مِنْ سُبَاتِهِ وَلَا يَفْتَئِتْ مِنْ قُيُودِهِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْهُ وَأَشْغَلَنَا بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ عَنِ الْأَمَانِ الْكَاذِبَةِ وَالْخَيَالَاتِ الْكَاسِدَةِ وَأَحْلَامِ الْيَقَظَةِ الَّتِي تُضَيِّعُ الْوَقْتَ وَتُخَفِّفُ الْمِيزَانَ. صحيح، c'est comme un rêve, ça fait perdre le temps et ça خفف الميزان. Notre objectif à tous, ça doit être de alourdir الميزان يوم القيامة. Ça doit être ça l'objectif de notre vie في الحقيقة. دائما tu penses au ميزان et jour après jour, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'alourdir et la balancer au Qiyama? Al-amani, ça fait que l'alléger. Ses volontés, alors qu'on peut faire, c'est pas un amal. Là, c'est khayalat, c'est shaitan qui joue avec l'abd. Enfin, on doit tout faire pour alourdir hadha mizan. Et ce mizan, il sera alourdi bi al-haq, bi l'amal salih, bi tiba' Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bi l'ilm. بالذكر. قال الشاعر تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون. وهذه أبيات من قصيدة لي في هذا الموضوع. واها لأيام الدراسة إنها تكسو الفؤاد سعادة وتنفس. والمرء في زمن الصبا متوثب خيلا تغير على الخيال وتنهس. حتى إذا بلغ المدى وتكشفت أحلامه عن سوءة لا تحبس. وجد المعيشة صعبة لا تقتنى بالأمنيات ولا الزمان يؤنس. فاختر لنفسك غير أودية المنى فالعطب في وادي المنى يترأس. رحمة الله عليه. قال رحمه الله شذرات من كلام العلماء عن العلم والطلب. il a fini, il a conclu sa risale rahmatullah alayh avec بعض النقولات عن أهل العلم, certaines paroles des grands imams de la sunna في العلم والطلب. C'est pour motiver. أما العوائق, les obstacles, ولله الحمد, on les a finis. Le premier, on les récapitule. La mauvaise niya, talabul ilm li ghayrillah. Al-thani, tarkul amal, ne pas appliquer. Al-thalith, al-i'timad ala al-kutub duna al-ulama, ay prendre comme référence les livres sans revenir aux savants. Al-a'iq al-rabi' akhdhu al-ilm an al-asagir, ay ne pas prendre al-ilm an al-ulama, lakin prendre al-ilm an ha'oula al-asagir. أي des personnes incompétentes في العلم. العائق الخامس عدم التدرج, أي ne pas étudier العلم étape par étape. العائق السادس الغرور والعجب والكبر, l'orgueil وعيادا بالله, aimer se montrer. العائق السابع, le septième obstacle, استعجال الثمر, le درس précédent, أي se précipiter pour les fruits de هذا الطلب, أي vouloir comprendre tout d'un coup, il a akhiré. Le huitième, al-a'iq al-thamin dunu' al-himma, le dars qu'on vient de faire, avoir des objectifs très bas. Al-a'iq al-tasi' wal-a'ashir at-taswif wat-tamanni, le neuvième et le dixième obstacle, at-taswif wat-tamanni, toujours repousser, je ferai demain. Thumma, il a conclu avec hadha al-kalam, kalam ba'd al-a'imma. قال رحمه الله شذرات من كلام العلماء عن العلم وطلبه. قال الحسن البصري رحمه الله كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وصلاته وزهده. وإن كان الرجل لا يصيب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها. كلام جميل. هذا تستفيد منه أن à leur époque celui qui étudiait l'ilm ça se voyait pas parce qu'il se montrait là. لماذا؟ لأنهم يمتون en application. Sa langue quand il parlait ça se voyait. Son regard ça se voyait. Dans sa salah ça se voyait. Son comportement ça se voyait. C'est ça le but. C'est هذا العلم, c'est pas des connaissances qu'on prend فقط. Là, c'est un mode de vie, c'est دين الله سبحانه وتعالى. طالب العلم il doit pas vivre comme les autres. لماذا؟ لأنه il apprend des choses. وإلا s'il vit comme les autres, ça veut dire qu'il n'est pas en application. Enfin, pourquoi il apprend؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله العلم علمان, علم الدين وهو الفقه وعلم الدنيا وهو الطب وما سواه من الشعر وغيره فغناء وعبث. هذا الطيب تستفيد منه أن كي إي أوتيل سي سي دو علوم. أن علم كي إي أوتيل في الدين سي علم كتاب الله وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سي لو بلوز أوتيل. أبخوندغ تون دين. En revenant au Coran et à la Sunna. Le deuxième ilm, c'est un ilm utile fi dunya. Ilm al-tib, la médecine, c'est utile. Autre que cela, comme a dit l'imam Shafi'i, fa'abathun wa dhaya'. Il y a beaucoup d'ulum, beaucoup de choses, beaucoup de science. Là, la plupart, c'est de la perte de temps. On n'a pas le droit de perdre notre temps. Même dans la lecture, on n'a pas le droit de perdre notre temps lire des choses inutiles. Même si on se consacre nuit et jour à هذا العلم العظيم, علم القرآن والسنة, on n'arrivera pas à tout apprendre. Là, qui n'en fait des efforts. قال الأصمعي من أئمة اللغة رحمه الله إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو يدخل في جملة قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ من كذب علي. Il manque le mot mutaammidan. فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. L'importance de la langue arabe. Celui qui n'apprend pas la langue arabe, celui qui ne maîtrise pas la langue arabe, فَرُبَّمَا il comprend les textes avec des erreurs. Et رُبَّمَا il prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit telle chose alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il n'a jamais dit. Ou que dans le Coran il y a une preuve sur telle chose alors qu'il n'y a pas de preuve sur ce qu'il prétend. Pourquoi? Les annahu il a mal compris. Pourquoi il a mal compris? Les annahu il a des faiblesses dans la langue arabe. Et celui qui prétend que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit telle chose alors qu'il ne l'a pas dit, c'est très très grave. Et il a cité le hadith, rahmatullah alayhi. قال السحنون ابن سعيد أجزر الناس على الفتية أقلهم علما يكون عند الرجل الباب واحد الباب الواحد من العلم فيظن أن الحق كله فيه. هذا تقدم معنا. أجزر الناس على الفتية أي les gens qui se précipitent le plus à faire des fatawa, c'est ceux qui ont le moins de علم. أما celui qui a du علم il fait attention, il a peur, il sait que c'est une مسؤولية. لكن العلماء يجيبون لأنهم c'est un حق واجب عليهم. أما الجاهل ربما va se précipiter à faire des fatwas. لماذا؟ لأنه في الحقيقة c'est un jahil. Il ne connaît pas la gravité de ce qu'il est en train de faire. Et c'est quoi qui les pousse هؤلاء à parler؟ قال يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم. Et certains d'entre eux ils ont appris une mas'ala. Il a lu مثلاً un sujet sur la salat. Un point précis sur la salat. قال فيظن أن الحق كله فيه. Il pense que toute la vérité elle est sur ce qu'il vient de lire. Il ne sait pas que المسألة فيها خلاف. Il ne sait pas que tel imam il a rejeté ce qu'il vient de lire. Il ne sait pas que le hadith qu'il vient de lire et c'est la base du bahth qu'il a lu, il est ضعيف. Et plein de choses. لكن هو vu que c'est un ignorant, il pense que tout l'ilm il est sur هذا. C'est pour ça que si tu dis ou tu lui montres que tu n'es pas d'accord ou tu as choisi un autre qawl, il pense que tu es un égaré. لماذا؟ لأنه il connaît pas l'ilm. Il connaîtrait l'ilm, il aurait de la rahma. Il se remettrait en cause et il ne se précipitera pas. لكن cette époque, c'est ce qu'on vit l'an. Ils ont lu une chose. Tel shaykh il a dit, il pense que tout le haq il est dans ce kalam. Si tu sors de ce kalam, c'est comme si tu avais délaissé sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est du roulou, c'est de l'exagération. فالحذر من هذا. الحذر خاصة نقول نحن المسائل الخلافية بين علماء السنة أما أهل البدع معروف التعامل معهم. خامسا قال كان بعض الحكماء يقول نفعنا الله وإياكم بالعلم ولا جعل حظنا منه الاستماع والتعجب. هذا سنمونتر أن دائما ندوفر الدعاء، لأن هذا العلم لا prendre c'est une chose، لكن profiter c'est une autre. فلهذا السلف faisait هذا الدعاء، ce genre de دعاء. نفعنا الله وإياكم بالعلم. نحن دائما on doit se rappeler هذا، on doit faire هذا الدعاء في صلاتنا وفي غيرها، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بهذا العلم. فكم من الناس ils ont appris du علم et ça leur a pas été profitable. Pourquoi? لأنهم c'est eux la cause. إما une mauvaise intention أو autre chose. قال ولا جعل حظنا منه الاستماع. Que ça soit pas ce qu'on va gagner de ce علم, c'est le fait de l'avoir écouté. فقط. Où on a des connaissances. لا. Il faut que ça soit profitable. Et ce علم sera profitable si on l'apprend sincèrement et on le met en application. قال سفيان الثوري إذا ترأس الرجل سريعا أضر بكثير من العلم وإذا طلب وطلب بلغ. Et c'est le درس qu'on a fait ensemble aujourd'hui. إذا ترأس. Vous connaissez le mot رئيس. رئيس c'est le président. Ça vient de رأس, la tête. فسي واحد. Rapidement il veut devenir une tête. إما مدرس إما إمام إما شيخ un guide. أضر بكثير من العلم. Il se fera beaucoup de mal. لماذا؟ لأنه il n'aura pas les épaules. Et il va vouloir se montrer. Et il va vouloir défendre son nefs. Et très vite, il se fera du mal et il fera du mal aux autres. قال سفيان la solution وإذا طلب وطلب. Ça montre الصبر والاستمرار. Par contre, si هذا رجل il étudie et il étudie et il patiente et il reste à sa place, بلغ. Il arrivera. بإذن الله عز وجل. هذا c'est notre درس d'aujourd'hui de ne pas se précipiter. وقال العباس بن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه قال جاء عبد العزيز الدراوردي في جماعة إلى أبي ليعرض عليه كتابا فقرأه لهم الدراوردي وكان رديء اللسان يلحن لحنا قبيحا. هذا il a lu ce livre à cet imam et il faisait beaucoup d'erreurs. اللحن c'est les erreurs de grammaire dans la langue arabe. Il met une dhamma à la place d'une fatha, il met une fatha à la place d'une kasra. أي il avait un problème في النحو. Il faisait beaucoup d'erreurs. فقال أبي qu'est-ce qu'il a dit ce savant quand il a entendu هذا الرجل lire. ويحك يا دراوردي أنت كنت إلى إصلاح لسانك قبل النظر في هذا الشأن أحوج منك إلى غير ذلك. Il a dit ويحك avant de rentrer dans ces choses, de vouloir lire ce livre, de vouloir faire telle chose, va corriger tes erreurs de grammaire. Ça nous montre à un autre niveau où là on apprend à lire. On apprend à écrire, on apprend les règles de Nahu, on apprend Aqidat al-Sunnah, on apprend les bases du Tawhid, les bases du Fiqh, et petit à petit, et on ne rentre pas dans des choses qu'on ne maîtrise pas. Les gens rentrent Fiqhid, Waqal, Fitan, ila akhiri. Wallahi, ils ne savent pas lire le Coran, ils ne savent pas lire la langue arabe, ils n'ont aucune base fi al-Fiqh, ils ont des faiblesses fi al-Tawhid ou al-Aqidah, et ils rentrent dans des choses qu'ils ne maîtrisent pas, et ils perdent leur temps. Et ça fait des Fitan. وقال الزهري رحمه الله ليونس ابن يزيد عند سيزيلاف لا تكابر العلم فإن العلم أودية فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه ولكن خذهم على الأيام والليالي ولا تأخذ العلم جملة فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. هذا تقدم معنا في التدرج لنصيحة الإمام الزهري on l'avait lu dans le chapitre sur At-Tadarruj, et prendre l'ilm étape par étape. Wallahu ta'ala a'lam, nas'arullah subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bima ta'allamna an yujannibana al-fitan ma zahara minha wa ma awatan wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. On a fini hadhihi ar-risala wa lillahi alhamd, et on va faire une petite coupure dans les durus et on reprendra bientôt, inshallah on finira ensemble بإذن الله عز وجل أصول السنة de l'imam Ahmed ثم on continuera l'étude du Tawhid. On commencera par شرح كتاب توحيد de الشيخ سعدي القول السديد إن شاء الله تعالى. Donc aujourd'hui c'était le dernier cours et la reprise بإذن الله عز وجل bientôt.